blanche, une vraie répand à l'oxyone. Quand tu apparais, les filles s'arrachent ton blouson doré, se précipitent pour mieux t'embrasser. Et toi tu croules sous leur bâti, leur baiser. Regarde-moi, au lieu d'accepter comme ça des tas de bachi, bachi, bachi, bachi. Regarde-moi, tu disparais dans leurs bras et tu te laisses avec joie courir de bachi, bachi, bachi, bachi. Regarde-moi, je n'existe plus pour toi devant leur bachi, bachi, bachi, bachi. Regarde-moi, tu ne me vois plus déjà, je suis séparée. Chaque jour contre une balance, elle rigolerait bien. À la maison tu ne tiens pas debout, mais le soir devant elle tu fais la roue. Ce qui m'énerve,